C'est l'un des films qui a façonné la figure du singe au cinéma. Un classique de la science-fiction qui décrit un monde à l'envers, où les hommes vivent à l'état sauvage et sont dénués de parole quand les singes constituent l'espèce dominante. Ce film, c'est La planète des singes, premier du nom, réalisé en 1968 par Franklin G. Schaffner. Alors que nous fêtons le 50e anniversaire de sa sortie en salle, une question s'impose. Au-delà de l'image d'une statue de la liberté ensablée, que reste-t-il aujourd'hui de la planète des singes ? Retour sur la planète des singes. C'est le voyage exploratoire qui sera le nôtre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour arpenter la planète des singes, voir ce que le film et sa saga disent de notre rapport à nos cousins primates, voir aussi pourquoi c'est l'un des jalons de l'histoire du cinéma et revenir à ses sources littéraires, trois invités aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Marie-Claude Bomsel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctoresse vétérinaire, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle. Également avec nous, Simon Bréant, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à Sorbonne Université. Et nous sommes également en compagnie de Simon Riault, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma, rédacteur en chef du site Écran Large. Comme chaque jour, la méthode scientifique est à écouter en direct sur les ondes de France Culture. Si vous n'êtes pas à 16h derrière votre poste, pas de problème, la séance de rattrapage existe. C'est sur le site de France Culture, franceculture.fr, ou alors en podcast avec votre appli préférée. La méthode scientifique, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter à l'adresse @laméthodefc. Mais avant d'aller retrouver Charlton Heston sur la planète des singes, voici celle qui n'a pas besoin que Cheetah lui ouvre la route pour se frayer un chemin dans la jungle de l'info. C'est Natacha Triou et son journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Olivier. Le journal des sciences. On commence avec le premier sujet de ce journal, Natacha. La COP24 se poursuit à Katowice, en Pologne. Et mardi, German Watch a présenté son dernier rapport. La France est dans le top 20 des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Oui, chaque année, l'ONG allemande dresse son indice mondial des risques climatiques. Et en Europe, la France est le premier pays le plus affecté par les dégâts liés au réchauffement climatique. Donc entre 1998 et 2017, en moyenne, c'est 1121 décès et 2,2 milliards de dollars de pertes engendrés chaque année. En tout, alors 180 pays ont été analysés. Dans ce triste palmarès, on trouve la Birmanie, l'Inde, Madagascar, la Thaïlande ou encore la France et les États-Unis. Donc la vulnérabilité aux événements climatiques n'est pas qu'une affaire de pays en voie de développement. L'étude s'est basée sur les données des assureurs qui ont des statistiques très détaillées de ce que coûtent les dégâts liés au climat. La difficulté est toujours de savoir si des événements météorologiques sont liés au changement climatique ou s'ils font partie de la variabilité naturelle. Jean Jouzel est climatologue et ancien vice-président du GIEC. Il nous apporte quelques précisions. On ne peut pas attribuer un événement extrême de façon précise, individuelle, de façon précise ou non au réchauffement climatique. Ce qui intéresse, disons, les statisticiens du climat, c'est de regarder si l'évolution de ces événements extrêmes en termes d'intensité et de fréquence. Et là, on va parler par exemple des vagues de chaleur qui s'intensifient, deviennent plus importantes et qui sont manifestement liées au réchauffement climatique, en particulier parce que les températures extrêmes des vagues de chaleur, disons, leur intensité augmente deux fois plus vite que les températures moyennes. Donc un réchauffement de 2 degrés se traduirait par des vagues de chaleur de 4 degrés. Il y a aussi tous ces problèmes liés en France aux sécheresses à répétition qui risquent d'être à répétition sur le sud de notre pays. Nous sommes sur des trajectoires climatiques d'évolution du climat telles que nous les envisagions il y a une trentaine d'années, à savoir une élévation de la température moyenne de la planète, compris entre 1 et 2 dixièmes de degrés par décennie. Nous sommes actuellement plus près de 2 dixièmes de degrés par décennie, sur lequel se superpose une intensification des événements extrêmes. Un autre point, si on regarde ces événements extrêmes, c'est qu'actuellement, au niveau de l'Europe, une personne sur 20 chaque année être confronté à un événement climatique extrême, inondation, sécheresse ou canicule en Europe. Eh bien, dans la deuxième partie de ce siècle, toujours dans cette hypothèse d'un climat non maîtrisé, eh bien, ce serait 2 Européens sur 3 qui auraient à faire face à des événements climatiques extrêmes. Alors quand Jean Jouzel parle d'événements climatiques extrêmes, il l'a dit, il parle de sécheresse, de canicule, mais aussi de pluies très intenses, d'élévation du niveau de la mer, d'inondations. On sait que les inondations sont liées à l'imperméabilisation des sols. On peut aussi penser à la violence de la tempête Cynthia, par exemple. Le rapport German Watch stipule aussi que les impacts liés aux intempéries en 2017 sont les plus importants jamais enregistrés. L'ONG encourage la COP24 à mener une politique de lutte contre le réchauffement climatique, associée à celle d'une politique de prévention contre les pertes et les dommages. Hervé Le Trot est climatologue et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Pour lui, ce rapport met l'accent sur l'importance de l'adaptation au changement climatique. Je pense que l'idée de s'intéresser aux impacts régionaux, alors régionaux au sens large, là c'est des États, ça me paraît très important. Dans le problème du changement climatique, il y a des grandes tendances. Donc on émet des gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre sont mélangés à l'échelle de la planète, par exemple au-dessus de nos têtes, on a seulement 1,5% de l'augmentation des gaz à effet de serre qui vient de la France, peut-être même moins, et le reste vient des autres pays de la planète, donc on est dans une forme de partage de ce réchauffement global. Et puis ensuite, il se répartit localement en fonction de la vulnérabilité locale au climat. Ce type d'étude, en tant que tel, est très très important à ce stade où finalement les gaz à effet de serre ont atteint un niveau d'alerte très très fort dans notre atmosphère et donc on doit maintenant se protéger de leurs effets futurs. Après, il y a un problème de fond, c'est que quand on aura su dire avec précision ce que sont les causes du changement climatique pour telle ou telle série de conséquences, c'est parce qu'on aura attendu suffisamment longtemps pour avoir un recul statistique suffisant et il sera vraiment trop tard pour agir. Donc on est obligé aujourd'hui de travailler sur la base de risques. On a des risques, on doit prendre, d'ailleurs ce que nous dit le principe de précaution, quand les risques sont suffisamment étayés, on doit les prendre en compte de manière impérative. En bref, selon la National Retail Association, l'Australie a réduit de 80% son utilisation des sacs en plastique en l'espace de 3 mois. Oui, gros succès de la campagne Free Plastic et surtout de l'interdiction des sacs plastiques dans les commerces. L'initiative a été prise par Coles et Woolworths, les deux plus grandes chaînes de supermarchés du pays. Ils en ont interdit l'usage dans leurs magasins. Alors l'Australie estime que 1,5 milliard de sacs n'ont pas été distribués, donc on voit bien l'impact direct de ce type de mesure. Pour rappel, 5 milliards de sacs en plastique sont produits chaque année. Leur décomposition prend environ 400 ans, pour une durée d'utilisation d'environ 20 minutes. On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Après 2 ans de voyage, la sonde OSIRIS-REx de la NASA vient d'atteindre son objectif, l'orbite de l'astéroïde Bennu. Alors parmi les particularités de Bennu, il y a sa petite taille, il fait environ 500 mètres de diamètre. Donc dans l'espace, c'est une aiguille dans une botte de foin que la sonde ait atteint son but. C'est déjà une prouesse technique. OSIRIS-REx va cartographier, photographier, analyser l'astéroïde, mais va surtout rapporter sur Terre, d'ici 2023, un échantillon de son sol, 60 grammes. En 2010, la sonde Hayabusa 1 avait ramené quelques grains de l'astéroïde Itokawa. En ce moment, Hayabusa 2 explore l'astéroïde Yugu pour une mission similaire. Alors, pourquoi un tel engouement pour ces astéroïdes? C'est parce qu'ils sont composés des matériaux originaux du système solaire et qu'il y a 4 milliards et demi d'années. Antonella Barucci est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Elle est co-responsable de la mission OSIRIS-REx. Le target de cette mission, c'est l'astéroïde primitive, pristine, qui peut contenir du matériel organique est très important pour comprendre l'origine du système solaire et l'origine des vies sur Terre. C'est un objet qui est classé des types B. Donc les types B sont les objets les plus primitifs qui sont semblables à les chondrites carbonées. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche tous ceux qui sont les organiques. Donc les organiques sont les matériaux qui étaient fondamentaux à l'origine de la vie. Donc tous ceux qui peuvent contenir du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment de la matière qu'on ne connaît pas. C'est la première fois qu'on aura des échantillons de matières primitives, parce que la seule fois qu'on a eu des matières d'astéroïdes, c'est la mission Hayabusa 1, la première mission de la JAXA, qui n'était pas... Bon, il y avait pas mal de problèmes, mais en plus, il allait vers un astéroïde classé S, ça veut dire semblable au silicate, et c'était semblable à des chondrites ordinaires, donc de la matière beaucoup plus évoluée. Donc, ce serait la première fois qu'on peut avoir de la matière inaltérée d'objets primitifs, pristines du système solaire. Et c'est très intéressant parce qu'on aura deux objets semblables mais très différents. Et donc, la mission Hayabusa 2, on pense avoir 1 gramme. Par contre, la mission Osiris Rex, on pense avoir 60 grammes au moins de matière. Donc, et tout ça sera distribué dans tous les laboratoires du monde entier pour les analyses. En bref, décollage réussi pour la navette Soyouz en direction de l'ISS. Et arrimage réussi, hein, l'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé lundi que les 3 astronautes sont bien à bord de l'ISS. Alors, une tension était palpable lors du lancement en octobre dernier. L'échec du décollage d'une fusée Soyouz avait soulevé de nombreuses questions. Soyouz est le seul moyen de transport pour rejoindre la station spatiale. L'une des missions du nouvel équipage à bord, enquêter sur le trou de perceuse découvert dans la paroi du vaisseau. La découverte, cette semaine, de traces d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète, alors il faut s'accrocher, HR8799C. Alors c'est une jeune planète gazeuse de 7 fois la masse de Jupiter et âgée de 30 millions d'années. Nous sommes dans la constellation de Pégase, à 179 années-lumière de la Terre. Alors on se doutait déjà de la présence de l'eau sur les exoplanètes. Une récente étude de l'université de Harvard parle même de l'existence de planètes-océans. Mais cette découverte de molécules d'eau dans l'atmosphère a été faite grâce au télescope terrestre Keck, et plus précisément grâce à NIRSPEC, un nouveau spectromètre haute résolution. Pour l'imagerie des exoplanètes et pour la recherche de traces de vie, c'est un tremplin, disent les astronomes. En bref, toujours, une prouesse médicale au Brésil, la naissance d'un bébé issu d'une greffe d'utérus provenant d'une donneuse décédée. Alors depuis 2013, il y a eu 11 naissances grâce à des greffes d'utérus, mais les donneuses étaient vivantes. Là, c'est la première fois qu'un don post-mortem aboutit. La mère est atteinte du syndrome MRKH et elle est née sans utérus. La transplantation a eu lieu en 2016, l'opération a duré 10 heures. Elle a ensuite dû suivre un lourd traitement immunosuppresseur pour éviter le rejet. Et 7 mois plus tard, la fille va fonctionner. Lors de la naissance par césarienne, l'utérus a ensuite été retiré. La petite fille va bientôt fêter ses 1 an et elle est en parfaite santé. Alors, l'infertilité d'origine utérine concerne une femme sur 500 et restée jusqu'à présent complètement incurable. Cette opération représente donc de grands espoirs. Et pour finir, la rubrique des sciences improbables. Natacha, vous souhaitiez nous parler d'une récente étude essentielle parue dans Science sur la vie sexuelle des mouches. Oui, alors depuis cet été, on sait que les mouches connaissent l'orgasme. On sait maintenant qu'elles ont des préférences sexuelles et que celles-ci sont culturelles. L'étude nous vient de l'Institut des sciences du cerveau, de la cognition et du comportement de l'Université de Toulouse. Les chercheurs ont observé les ébats de plusieurs dizaines de milliers de mouches pendant 7 ans. Certaines mouches mâles ont été poudrées de différentes couleurs, en rose ou en vert, pour observer les réactions des femelles. Et oui, il existe des effets de mode chez les insectes. Les spectatrices apprennent des autres et reproduisent des comportements, des préférences sexuelles qui s'exercent par mimétisme social. Voilà, même chez les drosophiles, le sexuel, c'est culturel. Alors, il y a des chercheurs qui ne peuvent pas s'empêcher de ne pas laisser les mouches tranquilles, apparemment. Hein. Peut-être une réaction à ce journal. Sur la COP24, Marie-Claude Baumsel, on fête là les 50 ans de la planète des singes, mais certains experts disent que dans 50 ans, les chimpanzés pourraient avoir disparu. Pas uniquement à cause du réchauffement climatique, à cause effectivement de la déforestation, mais il y a une partie réchauffement climatique. Moi, je reviens juste de Tanzanie, j'étais pas du côté des chimpanzés, et la sécheresse est terrible là-bas. On voit, tout est désertifié et tout. Et puis après, derrière, il y aura la progression des maladies, il y aura le braconnage qui va s'accentuer, car il y a une immense pauvreté en Afrique, c'est eux qui souffrent le plus. Et petit à petit, effectivement, non seulement les chimpanzés, mais une grande partie de la faune va disparaître. C'est indiscutable. Un autre sujet, moi, me fait penser à la planète des singes, c'est Osiris Rex. Cette conquête spatiale, ça pourrait constituer l'intro du film. Simon Bréhin. Oui, il ne faut pas oublier effectivement que la planète des singes, c'est avant tout, au départ, un récit d'aventure spatiale. Et une différence frappante entre le roman de Boulle et l'adaptation qui en est faite, c'est que dans le roman, Pierre Boulle supposait des voyages interplanétaires, voire interstellaires, tout à fait courants et possibles, dont d'ailleurs les occupants voyageurs étaient des singes, c'est-à-dire que l'avenir de l'homme dans la perspective de Boulle, c'est effectivement les singes. Alors on va en parler. Simon, Rio, il y a un sujet qui vous a plu en particulier ? Oui, mais non, moi tout simplement quand j'entends parler de la science, on va dire un petit peu plus détendue, il me semble évident que si on veut continuer à explorer ces thématiques, il faudra donc penser à la planète des mouches. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h15, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique sur France Culture. Nos invités pour parler de la planète des singes aujourd'hui, Marie-Claude Bomsel, doctoresse vétérinaire, professeure émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, Simon Bréant, maître de conférence en littérature française à Sorbonne Université, et Simon Rio, critique de cinéma, rédacteur en chef du site Écran Large. Comme on vient de le dire à l'instant à l'issue du journal des sciences de Natacha, la planète des singes, ça commence par un voyage spatial. Quatre astronautes qui quittent les États-Unis en 1972 et qui se crashent sur une planète inconnue, mais bien longtemps après. Simon Bréant, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Eh bien, le cadre initial du film, c'est véritablement l'idée qu'on est pris dans quelque chose qui est en fait finalement un décalage temporel, mais un décalage temporel qui n'est pas perçu initialement. Et un des fondements de cette idée-là, c'est un épisode de la quatrième dimension de Rod Serling, hein, plus encore que le roman lui-même, un épisode qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, La Flèche, quelque chose comme ça, bon bref, dans lequel des explorateurs de la même façon sont coincés sur une planète et ne comprennent pas qu'il s'agit de la Terre. Et donc tout l'enjeu finalement pour le spectateur, c'est d'être plongé dans la même situation d'erreur interprétative, de voir dans la planète des singes autre chose que notre planète, et pourtant c'est un avenir possible dans le cadre du film. Simon Rio, le nom de Rod Serling a été lancé, ça y est. Rod Serling, il a participé au scénario de La planète des singes du film de 1968, mais il est surtout connu pour La quatrième dimension. Oui, absolument. Ce qui est intéressant, et je ne vais pas lancer ça tout de suite parce qu'on va y revenir au cours de l'émission, ce qui est très intéressant, donc, c'est que la saga originelle, si je puis dire, et la trilogie qui s'est achevée il y a un peu plus d'un an, sont deux œuvres, enfin deux séries d'œuvres qui sont profondément ancrées dans les motifs de science-fiction de leur époque. Et on verra que ces deux traitements extrêmement différents sur la forme de la mythologie issue de Boulle et de la planète des singes sont en réalité, je dirais, assez similaires dans leur façon d'appréhender les problématiques de leur temps. Alors, ces astronautes atterrissent sur une planète dont on ne sait pas au début du film si c'est la Terre ou pas. Et un seul des astronautes survit, c'est le personnage de Taylor qui est interprété par Charlton Heston. Il va bientôt se rendre compte qu'il est dans ce monde inversé dont je parlais tout à l'heure. Les singes sont aux manettes de la civilisation et les hommes, les femmes sont ramenés au rang de bêtes. Rapidement, Taylor va être capturé par les singes et on va entendre maintenant l'extrait du film où ce personnage d'humain est jugé par un tribunal de singes qui doit statuer sur son sort. Messieurs les juges, mes arguments sont simples. Ils ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image, qui lui a donné une âme et un esprit, et dans sa grande bonté l'a séparé des bêtes de la jungle pour en faire le seigneur de cette planète. Ces vérités sacrées trouvent en elles-mêmes leur propre justification. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes. Certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Ouais, ils ont oublié les lois du Tout-Puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionnisme. Je vous en prie, vous le faites, docteur Anarius. L'État accuse le docteur Zira ici présent et un chirurgien dépravé nommé Galen d'avoir fait des expériences sur cet animal, d'avoir trafiqué son cerveau et les tissus de sa gorge pour en faire un monstre capable de parler. Ce n'est pas vrai! Docteur, attention à ce que vous allez dire. Et son intelligence, aurions-nous pu la créer aussi? Non seulement cet homme sait parler, mais il sait penser et il sait raisonner. Donc c'est un extrait de La planète des singes de 1968. Les personnages qu'on entend sont tous des singes. Ce sont des orangs-outans. Ce sont les orangs-outans qui mènent la danse ici et qui mettent en accusation deux chimpanzés. Alors là, ce qui est peut-être intéressant, Marie-Claude Bomsel, c'est de voir la façon dont ces différentes espèces de singes sont représentées dans le film et de mettre ça en regard du réel comportement de ces animaux dans la nature. Donc je le redis, les orang-outans sont un peu les représentants du savoir, c'est quand même des imbéciles bornés, et les chimpanzés sont des intellectuels sympathiques. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal parce que c'était une époque, c'est dans les années 60, on connaît très peu de choses. C'est l'époque où Jane Goodall, Diane Fossey et Birute Galdikas sont encore dans la nature et n'ont pas publié grand-chose. Et pourtant, paradoxalement, dans ce film, on met les orang-outans en imbécile borné. Je regrette d'autant plus que ce sont mes animaux préférés. Mais en tous les cas, en grand sage, ça au départ, même si après on en fait des bornés. Or, ce sont tout à fait... C'est assez vrai parce que ce sont des animaux qui sont arboricoles, qui sont solitaires, qui sont des grands penseurs à cette époque aux yeux des gens, parce qu'ils ont très peu de mimique en tant que solitaires, et ils sont très hauts. Alors après, on en fait des bornés parce qu'ils n'ont pas ce moyen de communication. À l'inverse, on fait des chimpanzés, que personnellement je n'aime pas, même si j'ai eu la chance d'approcher beaucoup de Jane Goodall et de diriger l'institut pendant un moment, mais ce sont quand même là, certes, des animaux très intelligents, très communicants, mais extrêmement cruels. Ils sont très violents, les chimpanzés. Et on va le voir d'ailleurs, parce que très hiérarchisés, toujours en conflit interne, mais c'est quand même très bien montré, parce que là aussi, ils le rendent plus sympathique alors qu'ils le sont moins, l'orang-outan, à l'inverse, est plus antipathique par borné, mais il est. Vous voyez, il y a une vraie différenciation. Il y aura également les gorilles, qui seront la force brutale, ce qui n'est pas le cas, c'est une force tranquille, c'est un animal extrêmement gentil, si je puis dire, qui vit en harem, qui est très calme, qui est herbivore, mais on en montre quand même les différentes caractéristiques, et pour moi, qui à cette époque n'y connaissais pas grand-chose, je les ai retrouvés quand je suis rentré auprès de ces grands animaux au Jardin des Plantes. Pourquoi vous les aimez pas beaucoup, les chimpanzés ? Parce que justement, je les trouve particulièrement communicants, grimaçants, et surtout d'une immense cruauté. Jane Goodall, à cette époque-là, qui y allait avec des intentions pacifiques, a vu des guerres de clans, avec une véritable criminalité, avec une extrême dureté, avec en plus, bon, pour les femmes de cette époque, qui croyaient que les femelles singes étaient protégées, vous savez, on était encore dans l'idée que l'homme était un grand protecteur, elles étaient là derrière, les chimpanzés sont les seuls qui peuvent être encore, qui sont carnivores, qui peuvent attaquer d'autres colobes, qui mangent ça entre chasseurs, et les femelles qui ont les petits mendient à côté avec grande difficulté. Et puis ensuite, donc, il y a des bagarres et de la criminalité. Les mâles chimpanzés tuent les petits pour... Non, ça c'est moins ça. C'est plus entre eux, entre chasseurs qu'ils se bagarrent, ou entre bandes rivales pour des questions de territoire. Mais à cette époque, on ne croyait pas du tout à cela, et ça a été une immense révélation. C'est ça pourquoi je ne les aime pas. Moi, j'aime les orang-outans pour leur calme, leur tranquillité et leur non-imbécilité, car ce sont de fins observateurs de la vie en général. On y reviendra peut-être. Simon Rio. Alors on peut se rappeler qu'il y a un film qui est passablement raté, voire même honni par la communauté des cinéphiles, mais qui n'a pas que des défauts. C'est le remake de Tim Burton, dans lequel les comportements entre singes étaient effectivement peut-être... Et moi, je l'aime bien. Moi, j'ai une certaine tendresse pour le film, mais dans lequel les comportements interespèces étaient peut-être un petit peu plus précis, où effectivement les orang-outans, s'ils étaient un peu vicieux, étaient néanmoins de loin les plus stratèges et intelligents. Les gorilles étaient la force, mais pas une force brute, une force aveugle. Et ils étaient, si ma mémoire est bonne, des stratèges militaires, tandis que les chimpanzés, en effet, étaient très agressif et souvent représenté, malgré le langage, dans des poses extrêmement animales et extrêmement vindicatives et intrigantes. C'est l'intelligence, j'allais dire, du cinéma américain. Ils prennent des scientifiques, dans le cinéma français, très fréquemment, on vous prend en tant que scientifique et on vous dit, peu importe ce que vous dites, je pense, je sais, moi. Alors que les Américains écoutent quand même les scientifiques et après s'arrangent un peu avec la réalité, mais ont une base scientifique. Simon Bréant, cette représentation de Laurent Houtan comme un animal obtus, borné, est-ce que c'est une représentation qui est vraiment celle de l'époque où Pierre Boulle écrit et qui ne colle pas d'ailleurs avec d'autres exemples? Je crois que vous citez d'autres exemples dans la littérature de science-fiction où Laurent Houtan représente plutôt le savoir, la connaissance. Oui, alors l'exemple auquel j'opposerais volontiers les orang-outans de Pierre Boulle, c'est plutôt un exemple beaucoup plus récent, hein, qui est le l'orang-outan tel qu'il est représenté chez Terry Pratchett, qui a été lui-même un grand défenseur de la cause animale, en tout cas la cause des orang-outans jusqu'à son décès, et qui effectivement le représentait plutôt comme un gardien du savoir, comme quelqu'un, le seul individu intelligent dans un environnement un peu parodique. Ceci étant, pour revenir à la représentation de Boulle, et qui effectivement est un héritage de l'époque, elle vient aussi justement du fait que Boulle n'envisage pas au départ son roman justement comme un roman de science-fiction à proprement parler, au sens où on va l'entendre, on a un son de Pierre Boulle après, on va l'entendre, mais continuez. Pierre Boulle, mais simplement je voulais simplement dire qu'il y a une du coup une charge symbolique très forte. Et effectivement, Marie-Claude Blomsel tout à l'heure le disait très justement, il s'est inspiré essentiellement de l'image qu'il pouvait avoir des différents singes. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que j'ai trouvée assez savoureuse, qui est qu'il dit que c'est en observant des gorilles au Jardin des Plantes qu'il a eu l'idée au départ de la planète des singes. Simon Rio, peut-être un mot sur les acteurs qui font les singes de cette première version. Il y a Roddy McDowall qui est devenu, ensuite il n'a pas pu se débarrasser de sa peau de singe. Non, mais c'était l'époque où la carrière de comédien se gérait bien différemment d'aujourd'hui, et où appartenir à une grande saga était à la fois un sacre et non pas une marque d'infamie, mais on devenait incapable de s'en défaire. À bien des égards, la première saga de la planète des singes a préfiguré même dans sa communication et dans le marketing ce qu'allait devenir l'Empire Star Wars, notamment dans la gestion. Alors c'est plus anecdotique. C'est la Fox d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors c'est plus anecdotique, mais je pense assez signifiant. Ce fut une des toutes premières sagas à se doter d'un énorme merchandising et d'une énorme activité commerciale hors cinéma. Et les acteurs ont souffert tout simplement parce qu'ils n'ont pu, très littéralement, ils n'ont plus pu ôter leur masque de singe. Marie-Claude Bomsel, on entend les singes discourir dans l'extrait et dans tout le film. Est-ce qu'il y a eu des expériences pour faire parler les singes ? J'allais dire malheureusement oui, il y en a eu beaucoup qui sont désormais arrêtés, mais tout simplement parce qu'on a voulu les rentrer dans notre propre langage pour montrer à leurs limites, si je puis dire. Donc il y en a eu principalement des chimpanzés, il y a les gorilles, il y a eu juste Coco, le gorille qui parle, qui était une femelle, mais il y a eu beaucoup d'interprétations. Je pensais que Coco était plus dans le langage des signes. Voilà, parce que d'abord effectivement, le gorille est un animal qui a très peu de son, qui vit en petit harem, qui joue plutôt sur la posture et sur la vue que sur le son. Il a quelques, soyons honnêtes aussi, il a beaucoup de borborygme parce que c'est un végétarien pur. Il pète, il rote, et ça, son discours était plutôt fluctuant, dirons-nous. Et c'est un animal surtout très difficile à manier, donc il y a eu très peu de choses de fait. Sur les orang-outans qui ont longtemps été considérés comme des imbéciles, très peu de choses ont été faites. Maintenant, ils rattrapent effectivement. C'est donc sur les chimpanzés que ça s'est passé. Il y en a eu différents. Il y a eu Sarah. Il y a eu. Est-ce qu'on peut expliciter une expérience, par exemple? Est-ce que l'expérience de Nîmes n'est pas celle l'expérience d'un chimpanzé? L'expérience de Nîmes est plus douloureuse encore, puisqu'il a été même vous pouvez fait nous un l'expliquer film à travers ça. C'est-à-dire que Primack a pris un bébé chimpanzé qu'il a amené dans un environnement totalement humain, avec différentes nounous d'ailleurs. On a même dit que c'était des copines à lui, n'insistons pas là-dessus. Mais ils ont été traités comme des bébés. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on appelle des animaux imprégnés. À partir de ce moment-là, cet animal est rentré dans le monde humain et on a commencé effectivement à lui faire des signes, des langages de signes, de façon à communiquer avec lui. Bon, il a appris un minimum, mais il n'avait pas du tout d'autres possibilités que le langage humain signifiant dans une maison, ce qui est évidemment complètement ridicule. Donc il a été jugé comme incapable linguistiquement de continuer. On l'a ensuite ramené dans un autre laboratoire où il n'a toujours pas vu de congénère, parce que maintenant ça ne se ferait évidemment plus comme ça. Parce qu'on parle de quelle époque ? C'était dans les années 70, d'autant que je me souvienne. Et à partir de ce moment-là, on a considéré qu'il était assez stupide, qu'il s'arrêtait à 40 ans. Et surtout, beaucoup plus grave, on l'a carrément abandonné, Nîmes. Nîmes a donc été conduit après dans un centre d'expérimentation. Ça, c'était quelque chose d'assez terrifiant. Parce qu'il s'est retrouvé dans une cage, isolé, avec des congénères qu'il venait brusquement de découvrir, dont il ne parlait plus la langue, parce qu'il y a un minimum d'études, également du langage gestuel et similaire. Et là, ils ont un vrai langage, comment dirais-je, vocal, les chimpanzés, donc ils ne les comprenaient pas. Et ils ne comprenaient pas, évidemment, complètement le langage humain. Et brusquement, les humains, non seulement se désintéressaient de lui, mais ils le maltraitaient. Et on voit même des images assez atroces où Nîmes essaye d'expliquer à ces gens qui ne sont pas habitués, aux soigneurs, par la langue des signes, qu'il ne faut pas lui faire comme ça. Il essaye de parler aux autres. Il naît dans un monde qui n'existe absolument plus. Il sera ensuite récupéré, heureusement. grand Nîmes encore que, remis dans un refuge pour amis des animaux. J'ai vu un film là-dessus qui est assez sinistre d'ailleurs, parce que les gens sont très gentils avec lui, mais cet animal est définitivement perdu pour le monde des singes et le monde des humains, et on lui met une télévision. Il regarde cette télévision, évidemment il ne comprend absolument rien, il jette la télévision et on dit décidément il est définitivement perdu pour tout, parce que la télévision n'intéresse pas. C'est pour montrer la folie. Bon, tout n'a pas été aussi fou, hein. Il y a eu ensuite les bonobos qui ont travaillé, les bonobos qui ne sont pas dans la planète des singes, puisqu'à cette époque, ils étaient très méconnus. Et il y a le fameux Kanzi qui a pris effectivement 1000 mots et qui a réellement communiqué avec beaucoup mais de gens. Mais oralement. Il pouvait construire des phrases, il pouvait demander différentes choses. Ils sont toujours en demande, toujours dans le concret, mais il y avait un véritable dialogue du moment qu'on restait dans le concret. D'autant plus que lui n'avait rien appris. Après, j'en finis, mais je ne vais pas faire toute l'émission. Il n'avait rien appris. Il avait simplement regardé les bonobos travailler comme ça, avec différentes, ce qu'on appelle des tentes, sa mère et d'autres femelles travailler. Et il avait appris plus vite, uniquement parce que c'était un jeune animal. Le problème de tous ces singes, ça s'est arrêté parce qu'à un moment, ils deviennent pubères. Et quand ils ont 10 ans, ils ne sont ni singes, ni hommes. Et ils sont perdus pour tout le monde. Et ils deviennent agressifs. Tout bonobo qu'ils savent, pour le grand public, le bonobo, c'est fait l'amour, pas la guerre. Ils règlent tous leurs conflits à travers cela. Ils peuvent devenir brusquement chimpanzés. C'est une sous-population qui s'est isolée, qui est devenue une espèce. Mais si vous les mettez en conditions difficiles, ils peuvent devenir dangereux. Et Kanzi lui-même devenait quelque peu dangereux. Donc suite à toutes ces expériences qui ont été menées dans les années 70-90, cela a été complètement arrêté. Et désormais, on travaille en nature et on apprend ce qu'est le langage des singes dans la nature. Ça semble plus probant. Donc le film montre des chimpanzés, des gorilles, des orangs-outans, des grands singes. À ce titre, le titre justement anglais du film est plus explicite, Planet of the Apes, par opposition à ce qui serait Planet of the Monkey. Mm-hmm. Les apes, c'est effectivement les trois espèces dont on vient de parler ou il en manque ? Il y a le bonobo, c'est la quatrième espèce. Je vous passe le fait que maintenant on fait deux espèces de gorilles et deux espèces d'orang-outan. Donc il y en a six maintenant, mais ça c'est toujours nous aimons trancher en systématique les choses. Et on peut considérer aussi que le gibbon, les ilobatidés, sont également dans les grands singes, les petits grands singes. Ils sont à côté, ce sont des animaux qui d'Asie, qui vivent en couple, qui sont un petit peu différents, mais ils sont... grands singes, en ce sens qu'ils n'ont pas de queue, une poitrine plate, qu'ils ont un cerveau plus développé que les autres. Donc, ils sont rentrés dans les petits grands singes. Simon Bréant. Petite anecdote, dans les manuscrits de Pierre Boulle que j'ai pu consulter à la BNF, parce qu'ils ont été recueillis notamment par Clément Pierre, que je remercie ici, il apparaît qu'au départ, il avait envisagé d'introduire le gibbon comme personnage, mais qu'il l'a éliminé et finalement remplacé par le chimpanzé. Je crois qu'il y a aussi une logique de simplicité, d'avoir trois espèces. Ça fait un équilibre assez naturellement dans l'esprit humain. Alors Pierre Boulle, c'est Cocorico, la planète des singes est française quelque part. Pierre Boulle, c'est l'auteur français qui a écrit La planète des singes en 1963. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage, Simon Bréant? Pierre Boulle, c'est aussi l'auteur du Pont sur la rivière Kouaï. C'est un écrivain effectivement qui finalement un petit peu injustement méconnu actuellement. Enfin, disons qu'il n'est connu que par ses œuvres principales là, qui a c'est de là, essentiellement, mais qui a écrit de nombreux contes philosophiques, également philosophiques un peu d'imagination scientifique aussi, et qui a justement à un moment donné occupé un espace qui finalement est assez particulier, qui est celui de l'écrivain représentant le monde contemporain sous un angle finalement un angle différent de celui simplement de la science-fiction par la satire, la philosophie. Et à cet égard, la planète des singes, qui vient après le pont sur la rivière Kouaï et après l'adaptation qui en a été faite d'ailleurs, n'est pas du tout pensée dans la perspective d'une adaptation, pas du tout pensée dans une perspective qui serait celle d'une représentation visuelle, mais est véritablement pensée en rapport avec la société française. Et c'est une inversion au départ de la société française. Alors, on va écouter Pierre Boulle dans une émission qui a été diffusée par la RTF le 6 février 63. C'est un extrait de l'émission Lecture pour tous, où Pierre Boulle répond aux questions de Pierre Desgroppes. Je crois effectivement, c'est une chose qui m'avait frappé. Je crois, je crois vraiment, en toute sincérité, qu'un être de bon sens qui n'est pas prévenu à l'avance et qui se trouve transporté à la Bourse de Paris par exemple, ne peut pas imaginer une seconde que les êtres qu'il a sous les yeux sont des homo sapiens. On ne peut pas imaginer qu'ils agissent par raison, ce n'est pas possible. Vous voulez dire qu'ils sont conditionnés? Oui, on dirait absolument que tous leurs réflexes sont des réflexes conditionnés, que leur comportement est un comportement animal, où l'intelligence n'a aucune part. Vous défendez d'avoir fait un livre de science-fiction, c'est tout de même un peu de la science-fiction. Je ne m'en défends pas, je ne méprise pas du tout la science-fiction. Je crois tout de même que ce n'est pas exactement cela. Pourquoi? La science-fiction, en général, fait passer au second plan l'humain, alors que mes personnages sont tout à fait humains. La planète que je décris ressemble tout à fait à la Terre, et les personnages, quoi, ce sont des singes, c'est entendu. Mais ils ont des réflexes humains. Il y a des singes du monde, des singes de l'être, des singes de science, etc. De ce point de vue-là, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une science-fiction. Alors, est-ce qu'on suit Pierre Boulle et on dit que La planète des singes, le livre, n'est pas de la science-fiction, Simon Bréant? Je pense que là, il y a un effet de réception. Chacun pourra l'appeler la science-fiction éventuellement. Simplement, on peut remarquer qu'il se poursuit plus. Il poursuit plutôt une tradition qui est la tradition justement de l'utopie éventuellement. Enfin, on peut revenir par exemple à Gulliver face au Yaouz, hein, par exemple, chez Swift. C'est-à-dire l'idée du voyage qui amène dans une terre étrangère où on va trouver une reconfiguration de la terre d'origine. Et pour autant, les outils dont il s'empare sont quand même ceux de la science-fiction, et les manuscrits dont je parlais tout à l'heure montrent qu'au départ, il envisage tout de même cela énormément comme un récit de science-fiction. Et c'est très progressivement qu'il retourne finalement à une logique qui lui est sans doute plus familière et plus chère, qui est justement celle bien de la satire, de l'utopie, du déplacement, simplement. Et donc la logique d'inversion qui est la sienne au départ ne se traduit pas par une logique très hard science, qui est le traitement vraiment scientifique justement de la question, mais véritablement s'organise autour d'une symbolique. Ça n'empêche pas qu'on pourrait l'envisager comme de la science-fiction. Simplement, ça n'est pas du tout de la science-fiction à l'américaine. Et d'ailleurs, le passage au film, c'est l'occasion d'un retravail très fort du scénario qui, par le biais notamment de Rod Serling, mais pas seulement, donne lieu à, disons, la traduction. Enfin, le film, c'est vraiment la traduction de ce que signifie le roman en termes de science-fiction. Et on voit qu'ils ont eu besoin de modifier pas mal de choses, même si c'est, d'une certaine façon, plutôt des éléments cosmétiques, sans jeu de mots sur la question des costumes, mais des éléments cosmétiques au sens où c'est plutôt, par exemple, la manière dont ils envisagent la question de la reconnaissance. Comment expliquer que le personnage principal ne puisse pas faire reconnaître son intelligence? Bien, pour Pierre Boulle, c'est simplement une question du fait qui ne connaît pas le langage local et qu'il est traité en animal soumis à des expérimentations scientifiques, alors que dans le cas du film, c'est une blessure qui fait que... Charlton Heston est blessé à la gorge par un coup de fusil. Et donc l'enjeu de la reconnaissance va s'organiser un peu différemment. Ça va devenir c'est un processus plutôt intellectuel et plutôt d'échange philosophique avec le personnage de Zira, là où on est beaucoup plus dans la représentation, dans le film, dans la représentation d'un protocole d'expérimentation scientifique. Alors le livre serait plutôt à classer du côté des contes satiriques à la Candide de Voltaire. C'est marqué par différents indices. Il y a le nom du héros du livre qui est quand même pas piqué des hannetons. Oui, Ulysse Mérou. Pas très blockbuster, quoi. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, le schéma, le professeur qui l'emmène dans une fusée, on croit voir le professeur Tournesol. Hein. C'est un petit peu, d'ailleurs, le professeur Tournesol est Tintin, hein, finalement. Ulysse Mérou, c'est un journaliste qui veut avoir une exclusivité et qui part dans l'espace. Et une fois sur place, c'est obligé de se débrouiller, mais... Finalement, on n'est absolument pas face à justement ce schéma de l'aventurier, de l'astronaute entraîné, qui est celui du film. Donc, on est beaucoup plus dans un déplacement à l'ancienne. Pour autant, ça n'est pas seulement la tradition d'un Voltaire ou de la satire. C'est aussi une tradition très française d'un certain type d'anticipation qui se préoccupe moins de science en tant que fait scientifique immédiat, mais de la science comme source de symboles et d'interprétation du monde. Et ça, finalement, c'est le prolongement d'auteurs comme Maurice Renard, où on parlait de la planète des mouches tout à l'heure, mais Jacques Spitz qui imagine un monde dans lequel les mouches deviennent intelligentes et puis font la guerre aux hommes et gagnent, d'ailleurs. Donc c'est ce type d'inversion-là, hein, finalement, où il ne s'agit pas forcément d'avoir quelque chose qui est fondé scientifiquement, mais quelque chose qui va être frappant et qui va remettre en perspective la question de l'humain. Il a des héritiers, Pierre Boulle, aujourd'hui ? Je veux dire, d'un point de vue littéraire. Alors, d'un point de vue littéraire, je dirais quelqu'un comme Michel Houellebecq, enfin, dans sa logique, même s'il se réclame de la science-fiction, quelqu'un comme Michel Houellebecq fonctionne un peu dans cette logique-là. Ou quelqu'un comme Bernard Werber, qui lui-même ne rechigne pas devant la science-fiction, est aussi un petit peu dans cette perspective-là. C'est-à-dire une écriture de l'imagination scientifique à la française qui va, tout en se fondant quand même sur le fait scientifique, qui va proposer plutôt une réflexion sur l'humain et sur l'humain d'un point de vue presque, enfin, philosophique ou en tout cas théorique, que sur des applications de la science. Mais là, je simplifie, hein, une opposition qui serait demanderait beaucoup plus de nuances. Simon Rio, sur ces différences entre le livre de Pierre Boulle et l'adaptation qu'en ont fait les Américains, ça vous inspire quoi ? Oh, elle me semble assez logique. C'est aussi la transition d'une œuvre l'adaptation d'une œuvre à une autre culture, à d'autres codes, des codes donc qui sont aussi bien culturels, mais aussi des modes cinématographiques. Ça me semble assez inévitable, assez logique et assez intéressant in fine. Mais encore une fois, ce qui est intéressant et ce qui montre tout l'intérêt et toute la valeur du travail de Pierre Boulle, les œuvres qui demeurent sont les œuvres qui peuvent rester longtemps et à travers les générations des espèces de boîtes de pétri symboliques. Et on voit que La Planète des Singes aura donc inspiré toute une saga, même si elle a déformé, on va dire, le message initial et la volonté initiale de Pierre Boulle, mais également, encore une fois, une deuxième trilogie qui est absolument brillante et très, très, très intéressante. Et on pourra encore en raconter autre chose dans 30 ans. Bon, on va en parler tout à l'heure de la nouvelle trilogie. Mais là, je voudrais quand même qu'on passe un moment sur un des éléments qui a fait le succès du film, sont les maquillages. Puisque les maquillages en 68 étaient absolument novateurs. Marie-Claude Bomsel, pour une spécialiste des primates comme vous, quand vous voyez les faciès des acteurs de 68, est-ce que vous dites, tiens, ils ont réussi leur coup ? Oui, non, c'était déjà très étonnant. Oui, ça a été plus élaboré avant, mais je vous dis, moi qui, à cette époque-là, n'étais encore qu'étudiante et tout, je connaissais les singes à travers les zoos. Ensuite, j'ai travaillé dans les parcs zoologiques, donc je les ai vus de près, et j'en étais d'autant plus étonnée. Mais c'était déjà fabuleux, absolument fabuleux, effectivement. Mais j'ai pas assez de technique cinématographique pour savoir comment ils en sont arrivés là. Mais ils avaient également ce regard très intense qu'ont les singes et que j'ai retrouvé, moi, dans mes singes à moi, quand je les approche. Et ça, c'était fondamental. Et ça n'était pas les mêmes chez chacun des pour les orang-outans, les gorilles et tout. Ça avait été extrêmement travaillé. C'est fort important. Les maquillages sont l'œuvre d'un orfèvre en la matière qui s'appelle John Chambers. Oui, et puis qui a fait date, tout simplement. Et alors, aujourd'hui, on pourrait avoir le sentiment, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, que c'est finalement quelque chose d'assez simple, qui relève de l'artisanat par rapport à l'armada d'effets numériques que peut proposer Hollywood, mais au contraire, c'est un travail d'orfèvre. Or, aujourd'hui, si vous voulez, pour recréer le même sur un être humain, ce regard que vous trouvez si particulier, on procéderait probablement en post-production, en retouchant les pupilles, les yeux, etc. À l'époque, non, on peut au pire mettre un petit peu de lentilles, mais en réalité, il faut resculpter intégralement tout le visage. Ce sont du matériel prosthétique, parce qu'on l'appelle ainsi, qui est très long à élaborer, très précis, qui est généralement est fait à même le visage de l'acteur, c'est-à-dire qu'on peut pas fabriquer en série 300 masques, les mettre à des figurants et dire hop, vaille que vaille, ça ira bien. C'est-à-dire qu'on doit avoir une équipe de pose du maquillage, d'entretien au long de la journée du maquillage, et qui est dédiée à chaque comédien, à chaque acteur, et qui est travaillée différemment. Donc c'est, on va dire, en termes d'ambition, de qualité, de précision et de minutie, c'est un film qui a fait date. Alors la question du maquillage était celle qui inquiétait beaucoup le producteur du film, Simon Bréant. Quand il achète les droits du roman en 65, oui, enfin, c'est surtout ce qui lui, comment dire, c'est un enjeu pour convaincre vraiment les financeurs, parce que finalement lui il veut produire, mais surtout il veut se faire financer, et du coup il a fait tourner une première scène. Alors justement, on a une petite séquence, on va l'entendre. Man here is an animal. Man here was an animal. He had no civilization. He wore no clothes, he thought no thoughts, he spoke no language. Just a few feet from this tent, you found a cemetery built and filled by a civilized race, a race which, according to you, never got beyond a crawl and a couple of grunts. You found more than a cemetery, Doctor, you found a question. Which came first, the chicken or the egg, the ape or the man? Dr. Zayas, you'd better take a look at this. We found it in some kind of artificial shaft. What do you think you found, Mr. Cornelius? Not found, Doctor. lost. And I'm afraid that would be a birthright. They had a language while we swung from trees. They had a language. You were right, Mr. Thomas. We have uncovered a question. Now we must unearth an answer. If man had a civilization here, what happened to it? Alors c'est un extrait qu'on trouve sur Internet, sur YouTube. On va vous mettre l'adresse sur le fil de la méthode scientifique. Simon Bréant, pouvez nous expliquer ce qu'on n'a pas vu là, mais ce qu'on a entendu? Oui, c'est un moment vraiment de basculement dans le film. C'est le moment où enfin Charlton Heston, le dernier homme, c'est ce qui est un de ses rôles récurrents ensuite de ce point de vue-là, le dernier homme et surtout celui, le dernier homme intelligent à parler, accompagne une expédition archéologique. Et dans cette expédition archéologique, eh bien, il y a la découverte d'une poupée qu'on entend dire Mommy, ou quelque chose comme ça. Et cette poupée prouve que non seulement il y avait une représentation des humains habillés à cette époque, ce qui aurait pu éventuellement être simplement anecdotique, comme on peut avoir des kikis de nos jours, sauf qu'il parle, il dit maman, et il est plus possible au docteur Zaius, qui là est joué par Edward J. Robinson, qui est ici, enfin qui a été là aussi embarqué un petit peu pour son star power, même si ça n'est pas lui qui joue le docteur Zaius ensuite, cette scène-là permet de montrer à la fois un moment pivot, vraiment l'enjeu émotionnel du film et simultanément la maîtrise des costumes et du maquillage, ce qui convainc complètement les producteurs. On est passé quand même d'un enjeu particulier qui était faire le nouveau King Kong au départ, c'était le projet de Jacobs, à effectivement quelque chose de complètement différent. Et là, ils ont accompagné. Il faut tout de même dire que c'était un film assez fauché de ce point de vue-là, quand même, malgré tout, à l'échelle d'Hollywood. Mais que justement, ils ont consacré l'énergie à ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire les maquillages, et que pour tout le reste, ils ont travaillé avec les moyens du bord, ils ont travaillé dans le désert, ils ont adapté le scénario à leurs moyens et ça a extrêmement bien fonctionné. Il y a eu un énorme retour sur investissement du film. Paradoxalement, c'est probablement cet ascétisme de l'esthétique du film qui le protège un peu du temps. C'est-à-dire que quand on regarde beaucoup d'œuvres de science-fiction, qu'elles soient à très gros budget ou qu'il s'agisse de série B de l'époque, elles ont beaucoup vieilli parce qu'elles ont des styles souvent très marqués, des technologies qui ont beaucoup vieilli. Or, la simplicité relative des décors du film et leur c'est modestie. Un monde trop glodite, quoi. Oui, mais tout à fait. Mais le rend d'autant plus cohérent, on va dire, d'un point de vue intradiégétique avec la catastrophe qui est révélée ultimement et fait que le film souffre moins de l'empreinte du temps, tout simplement. Alors, le film a tellement de succès qu'évidemment, on commande une suite dès 1970. Et là, Pierre Boulle est sollicité pour écrire une suite à son roman, mais sous la forme d'un script de cinéma. Simon Bréant. Oui, alors j'ai pu consulter ce manuscrit qui est à la BNF ou du moins sous une de ses formes et on voit que Pierre Boulle a essayé autant que possible de refermer complètement tous les possibles du film. C'est-à-dire qu'il l'a intitulé La planète des hommes et il montre de quelle façon, les hommes redeviennent intelligents, chassent les singes et à la fin, il est plus question qu'il y ait de singes intelligents à la fin de l'histoire. Et il me semble que c'est de sa part une manière de montrer à quel point il n'a pas apprécié en un sens l'adaptation. Alors il la respecte, tu dis que c'est quand même du travail correct, mais il n'est pas extrêmement satisfait et notamment il n'est pas du tout satisfait de l'idée que ça soit placé sur la Terre. Enfin, donc, il n'a pas du tout marché par rapport à la retraduction en science-fiction, tout en respectant le droit des adaptateurs. Il se plaint pas particulièrement, mais dans le travail qu'il a fourni, il a fourni plutôt ce qu'il lui-même aurait fait comme prolongement de son propre travail, mais de façon assez frappante, il referme les possibles. Et pour autant, beaucoup de choses qui sont travaillées dans ce manuscrit se retrouvent de manière un peu insidieuse. Il n'est pas crédité du tout. Se retrouvent de manière insidieuse dans la suite, c'est-à-dire l'idée justement d'un retour des hommes, d'hommes intelligents, il y a toutes sortes d'éléments qui sont reconfigurés, mais là encore, avec dans cette idée non pas de refermer la planète des singes, mais d'en faire une franchise. Parce que le script de Pierre Boulle, pour la suite, il a été mis aux oubliettes. Par les producteurs, en tout cas. Voilà, il n'a pas du tout été retenu par les producteurs, ce qui ne les a pas empêchés de retenir un certain nombre d'idées de ce qu'ils avaient lu. Simon Rio, la suite directe de La planète des singes, 1970, c'est le secret de La planète des singes. Oui, alors je méfie toujours parce que j'ai tendance à confondre les titres français. C'est extrêmement compliqué, oui. C'est compliqué. Alors moi, je suis relativement attaché au film parce que c'est vraiment un espèce d'hybride un peu bizarroïde qui est entre la série B post-apocalyptique nucléaire, la suite, stricto sensu, La planète des singes. On sent bien que Charlton Heston est à peu près aussi content d'être là qu'à un enterrement. Donc c'est quand même un film très curieux, à bien des égards. Pour qui a pu ou lire des recensions ou poser les yeux sur le travail de Boulle pour cette suite, il est évident qu'on lui a dit merci mais non merci. Mais enfin, on va quand même garder 2-3 bricoles là, avec vos hommes un peu bizarres, c'est pas mal. Donc c'est vraiment un espèce de patchwork bizarroïde, mais moi que je trouve assez touchant. Et puis alors, ce qui est assez amusant, c'est que finalement le film pourrait lui-même à nouveau conclure tout simplement cette ce qui aurait été alors un diptyque, et pourtant ça va continuer, et à partir de là La planète des singes va devenir vraiment une drôle de saga assez inclassable qui semble à chaque film essayer de se développer un peu différemment. Il faut préciser pour les gens qui ne les auraient pas vus quelque chose qui dans la conception de cette franchise est fondamentalement différent de ce qu'on voit aujourd'hui, mais qui était très très commun à l'époque quand on fait des suites, on part du principe qu'elles vont rapporter moins parce qu'à l'époque le public n'est pas encore habitué et il n'est pas évident qu'on va voir la suite d'un film. Donc on essaye de faire la même chose avec moins. Et du coup, contrairement à aujourd'hui, on veut maximiser. On estime qu'on a fait un socle de public sur un premier film, qu'on veut élargir de film en film. Donc les films coûtent de plus en plus cher et se doivent d'être de plus en plus spectaculaires. Ici, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je crois que c'est pas encore le cas dans le deuxième ou à peine, mais à partir du troisième et puis du quatrième, on va réutiliser des chutes des films précédents. Et ça donne des espèces de films aux allures de monstres de Frankenstein qui sont de moins en moins spectaculaires, de moins en moins bien travaillés, de moins en moins bien faits. Et c'est une espèce d'énorme saga qui s'étiole de chapitre en chapitre. Alors dans le deuxième épisode, il y a quand même une idée qui est très séduisante, c'est cette civilisation humaine cachée qui voue un culte à l'arme nucléaire. Mais oui, alors au moins pour les deux premiers, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois une espèce comme ça de focale qui a été faite. Le premier, Planète des singes, nous parle évidemment des droits civiques. C'est de mettre tout d'un coup l'homme blanc dans la position de celui dont on interroge la capacité à faire partie du commun. Or là, dans le deuxième, c'est effectivement la peur nucléaire, l'angoisse atomique et la fascination morbide et qui promet la catastrophe. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant dans ces deux premiers films. C'est focal très forte. Le film Marie-Claude Bomsel parle aussi d'une certaine façon de l'expérience, de l'expérimentation animale, par le renversement qu'elle opère entre les hommes et les singes, puisque on voit que Charlton Heston arrive sur cette planète avec deux camarades qui vont subir des sorts funestes, puisqu'il y en a un qui sera empaillé et l'autre qui va être trépané, puisque les singes veulent voir son cerveau pour savoir où se cache le secret du langage à l'intérieur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'expérimentation animale par rapport au grand singe? Le chimpanzé est toujours un sujet d'étude. Non, alors, en Europe, c'est formellement interdit. A priori, je pense que ça n'existe plus. Pour les grands singes, il y en a malheureusement encore sur les petits singes, enfin le reste, qui ne servent d'ailleurs pas forcément à grand-chose, parce que nous savons, nous, en tant que vétérinaires, que d'une espèce à l'autre, ça ne signifie pas grand-chose, mais malencontreusement, ça continue. Aux États-Unis, c'est interdit désormais pour les laboratoires publics, mais très probablement, il y en a encore dans les laboratoires privés. Tout le monde essaye de lutter contre cela, du fait, en plus de la disparition de tous les grands singes, qui ont perdu à peu près 70% de leur effectif en 50 ans, pour toutes les espèces confondues. Redites-nous ce chiffre, combien ? C'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire que, et encore, on a remonté un peu, parce que maintenant, grâce aux techniques modernes, on a un peu gonflé, heureusement, les effectifs dans la nature. Mais enfin, on va dire en gros que le chimpanzé, il en reste 300 000, 400 000 maximum. N'oublions pas qu'on est des milliards, que nos animaux domestiques sont des millions, donc vous voyez, et c'est ceux qui restent le plus. Les orang-outans, c'est 60 000 à Bornéo, 6 000 à Sumatra. Les gorilles, il y en a encore un peu dans l'Ouest, 100 000, mais les gorilles de montagne, moi j'ai eu la chance de les voir à milliers. C'est le paradoxe d'autant plus qu'actuellement, par exemple, il y a un gros travail fait, que ce soit au Rwanda, l'Ouganda, pour une protection, parce qu'on fait un écotourisme rentable, et ma foi, pourquoi pas, qui permet d'une part de sauvegarder les espèces localement, et l'argent bon, c'est pas aussi clair, mais quand même revient en partie aux populations locales. Et là, il y aurait des solutions pour pouvoir trouver un potentiel pour la nature que tiennent ces gens et qui permettrait de se faire sauver ces animaux. Mais on sait que ça ne durera pas, hélas, parce que là, il y a la pour revenir aux gorilles, par exemple, il y a la République centrafricaine à côté, là, pardon, la République démocratique du Congo, et que là, dès que les gorilles passent la frontière et eux n'ont pas de frontière, ils sont immédiatement braconnés. Ils sont chassés comme viande de brousse. Voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions et c'est d'autant plus regrettable qu'on continue des expérimentations qui sont franchement pour nous pratiquement inutiles. Je ne dirais pas qu'elles en sont au stade de regarder dans le cerveau où elle parle la parole, mais on a parlé des problèmes d'éthologie qui ont été réglés. Tout le monde souhaiterait que les grands singes soient définitivement finis. Et même les singes dits inférieurs, souvent ce sont purement des intérêts techniques qui n'ont pas un gros intérêt, franchement. Alors une partie des sous ramenés par Supremacy, l'un des derniers Planète des Singes, a servi justement à alimenter la fondation de Jan Goodall. Ça nous permet peut-être de parler de cette fameuse nouvelle trilogie qui a l'air d'être chère à votre cœur, Simon Rio. Elle est d'autant plus chère à mon cœur qu'elle détonne véritablement dans le paysage hollywoodien actuel. Alors déjà, campez-nous ça, parce que ça commence voilà. Quand ? Alors justement, ça commence en 2011 avec un premier chapitre qui est, dont je ne suis pas fou, mais qui est assez honnêtement fait, qui est intéressant, et qui reprend notamment justement l'expérimentation de Nîmes, mais pas du tout pour en faire la vision romantique, romanesque qu'on connaît, mais au contraire, pour la montrer comme un truc très pervers et qui fonctionne mal, c'est-à-dire qu'un jeune scientifique qui travaille sur un traitement miracle d'Alzheimer prend un chimpanzé de son laboratoire pour tester un petit peu clandestinement et va l'élever depuis sa naissance comme un bébé dans sa maison et va essayer de le soigner en observant l'avancée de la maladie d'Alzheimer chez son père parallèlement. Quand on se rend compte de ses agissements et que le chimpanzé devenu adulte commence à poser problème parce qu'il n'est pas socialisé comme un chimpanzé, pas socialisé comme un humain, il est obligé de l'abandonner. Et or, ce chimpanzé a été traité et ce traitement fonctionne après des mois et il est donc bien plus intelligent que les autres. Et il va aller voler des petits produits, l'inoculer à d'autres chimpanzés dans le laboratoire où il se retrouve abandonné et leur apprendre le langage des signes. Ça, c'est l'objet du premier film qui est efficace et malin, sans plus. Mais après, on a deux blockbusters réalisés par Matt Reeves, qui est un metteur en scène qui n'est pas encore très très connu, on va dire, de la critique cinéphile, mais qui lui, en tout cas, est un immense cinéphile et qui va s'intéresser à reprendre le cinéma de John Ford, des classiques comme José Wells hors la loi ou La Flèche brisée ou La Rivière rouge de Hudson Hawk et tout simplement en changeant totalement mais radicalement le point de vue du western et d'un certain cinéma de guerre pour dire en gros moi entre les Indiens et les cowboys ce qui m'intéresse c'est les Indiens et les singes c'est les Indiens. Et il va totalement enlever les humains de l'équation. C'est-à-dire que l'objet n'est plus de s'adresser au personnage humain et de lui proposer un récit moral édifiant, lui disant, tu vois, où pourrait t'amener, ou à quelles coupables extrémités, ou dans quelle situation tu as mis les singes. Non, non. Le cœur émotionnel, structurel et narratif du film, c'est César, ce singe qui va devenir un leader et qui, dans le troisième film, Suprématie, est en fait une allégorie de Moïse, hein, très concrètement, qui va balayer l'espèce humaine, mais qui n'a même pas à faire œuvre de guerre pour cela, qui tout simplement va se contenter de faire survivre son espèce, alors que l'espèce humaine, dans un espèce de cycle anthropique, disparaît. Ces films sont plastiquement sublimes. On pourrait dire. Alors là, c'est de la motion capture. Il n'y a plus de maquillage. C'est de la motion capture. Il n'y a plus de maquillage physique. Mais ce qui demeure extrêmement intéressant, c'est que la motion capture, c'est un travail d'acteur. Et en fait, c'est un travail d'acteur très proche de ce que faisait Rod Sterling quelques décennies plus tôt. Parce que la motion capture, c'est un acteur qui est donc sur le plateau, dont on va capter absolument tous les mouvements, sur lesquels on va appliquer un maquillage numérique, en l'occurrence, un corps et un visage de singe, pour traduire les expressions et les mouvements des comédiens chez les singes. Je précise juste qu'il y a eu une émission, La méthode scientifique, sur la motion capture, et on mettra le lien de l'émission sur le fil Twitter. Donc voilà, c'est des films à voir. Ce sont des films à voir, ce sont des films qui répondent de manière assez passionnante à la saga originale, et ce sont des films éminemment politiques et éminemment intéressés à la question de l'altérité, dans un Hollywood post-11 septembre qui lui est plutôt intéressé à cette altérité, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser. Juste un tout dernier mot, Simon Bréant, on voit que le succès de La Planète des Singes se dément pas. Est-ce qu'on aura la possibilité de voir peut-être un jour l'adaptation du script oublié de Pierre Boulle ? Oh, je n'y crois pas trop, mais ceci étant, on l'a un peu vu en fait déguisé dans d'autres films. Bon, ben c'est le mot de la fin pour la méthode scientifique de ce vendredi consacré à La Planète des Singes. Nous étions avec Marie-Claude Bomsel, Simon Bréant et Simon Rio, que je remercie de leur présence. Les films de la saga sont évidemment tous disponibles en DVD. Merci à l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen et Tom Humdestock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique, Ludovic Auger. La semaine prochaine, dans la méthode scientifique, lundi, on va titiller l'abdomen des araignées. Mardi, on se demande si on a bien entendu les ondes gravitationnelles. Mercredi, est-ce qu'on arrivera un jour à réchauffer la supraconductivité? Jeudi, ce sera une discussion avec Jean-Paul Demoule, qui nous montrera que l'archéologie a des choses à dire sur le présent. Vendredi, la table ronde de l'actualité avec nos camarades journalistes de la presse scientifique. Demain, à 16h, c'est la conversation scientifique d'Étienne Klein. Et nous, on se retrouve lundi, jusqu'à preuve du contraire.